Nostradamus et Napoléon par Eugène Barrest. Un soir, Napoléon se rendit à la Malmaison. Il aimait beaucoup à y causer merveilleux, surtout avec Joséphine qu'il savait être très superstitieuse. Un soir donc, il arrive, parle de ses immenses projets, et termine en remettant entre les mains de l'impératrice un vieux livre manuscrit composé en 1542. « Tiens, lui dit l'empereur en ouvrant cette ligne 12, reliée en parchemin et jaunie par le temps, regarde et lis. » Joséphine lut à haute voix. « Prédiction de maître Noël Olivarius. »« Eh bien ?» demanda Joséphine. « On dit qu'il est ici question de moi, » répondit l'empereur. « Comment ? Dans un livre publié en 1542 ? Lis donc !» L'impératrice s'essaya. Mais comme le style était en vieux français et les caractères mal formés, elle resta quelques instants à parcourir des yeux les trois pages de ce chapitre. Puis, d'une voix assurée, elle commença ainsi. La Gaule Itale verra naître loin de son sein un être surnaturel. Cet homme sortira tout jeune de la mer, viendra prendre langue et mœurs chez les Celtes gaulois, s'ouvrira encore jeune à travers mille obstacles chez les soldats un chemin et deviendra leur premier chef. Ce chemin sinueux lui laissera force peine, s'en viendra guerroyer près de son natal pays par un lustre et plus. Outre-mer sera vu guerroyant avec grande gloire et valeur et guerroyera de nouveau le monde romain. Donnera loi aux Germains, pacifiera trouble et terreur aux Gaulois celtes, et sera ainsi nommé, non roi, mais par après appelé impérator, par grand enthousiasme populaire. Bataillera partout dans l'Empire, déchassera princes et seigneurs, rois, par deux lustres et plus. Puis il élèvera de nouveaux princes et seigneurs à vie, et parlant sur son estrade, criera « Ô sidéra, ô sacra !» Sera vu avec une armée forte de 49 fois 20 000 hommes piétons armés, qui porteront armes et cornets de fer. Il aura 7 fois 7 000 chevaux montés d'hommes qui porteront, plus que les premiers, grande épée ou lance et corps d'airain. Il aura 7 fois 7 fois 2 000 hommes qui feront jouer machine terrible, et vomiront et souffrent et feu et mort. La toute suppute de son armée sera de 49 fois 20 000 hommes. Portera en dextre main un aigle, signe de la victoire à guerroyer. Donnera main pays aux nations et à chacun paix. S'en viendra dans la grande ville, ordonnant force grandes choses, édifices, ponts, ports de mer, aqueducs, canaux, fera lui tout seul, par grande richesse, autant qu'un Romain, et tout dans la domination des Gaules. Aura femme par deux. Joséphine s'arrêta. « Continue, dit l'empereur, qui n'aimait pas les interruptions. Et fils un seul, s'en ira guerroyant jusqu'où se croisent les lignes longitude et latitude, 55 mois. Là, ses ennemis brûleront par feu la grande ville, et lui y entrera et sortira avec sien de dessous cendres, force ruines, et les siens, n'ayant plus pain ni eau, par grande et décime froidure, qui seront si malencontreux, que les deux tierces parties de son armée périront, et en plus par 2000 autres, lui n'étant plus dans sa domination. Lors, le grand homme, abandonné, trahi par les siens amis, pourchassé à son tour par grande perte jusque dans sa propre ville, par grande population européenne, à la sienne place seront mis les rois du vieil sang de la Cape. Lui, contraint à l'exil dans la mer dont est venu si jeune, et proche de son natal lieu, demeurant par 11 lunes avec quelques-uns des siens, vrais amis et soldats, qui n'étant plus que 7 fois 7 fois 7 fois 2 fois de nombre. Aussitôt les 11 lunes parachevées, que lui et les siens prendront navire et venir mettre pied sur terre celte gauloise. Et lui cheminera vers la grande ville où s'est tracé le roi du vieil sang de la Cape, qui se lève, fuit, emportant avec lui ornements royaux, pose chose dans son ancienne domination, donne au peuple force loi admirable. Hans, déchassé de nouveau par Trinité population européenne, après 3 lunes et tiers de lune, est remis à la sienne place le roi du vieil sang de la Cape, et lui, cru mort par ses peuples soldats, qui dans ce temps garderont pénate contre leur cœur. Les Celtes et les Gaulois, comme tigres et loups, s'entre-dévoreront. Le sang du vieil roi de la Cape sera le jouet de noires trahisons. Les malencontreux seront déçus, et par fer et par feu seront oxys. Le lys maintenu, mais les derniers rameaux du vieil sang seront encore menacés. Hans guerroyeront entre eux. Lors, un jeune guerrier cheminera vers la grande ville. Il portera lion et coq sur son armure. Ainsi la lance lui sera donnée par grand prince d'Orient. Il sera secondé merveilleusement par peuples guerriers de la Gaule Belgique, qui se réuniront aux Parisiens pour trancher troubles, réunir soldats, et les couvrir tous de rameaux d'olivier. Guerroyant encore avec tant de gloire 7 fois 7 lunes, que Trinité Population Européenne, par grande crainte et crie et pleure, offre leur fils en otage, ploie sous les lois saines, justes et aimées de tous. Ainsi paix durant 25 lunes. Dans Lutetia, la Seine, rougie par sang, suite de combats à outrance, étendra son lit par ruine et mortalité. Sédition nouvelle de malencontreux Maillotin. Ainsi seront pourchassés de Palais des Rois par l'homme valeureux. Et par après, les immenses Gaules déclarés par toutes les nations grandes et mères nations, et lui, sauvant les anciens restes échappés du vieux sang de la cape, règle les destinées du monde, se fait conseil souverain de toute nation et de tout peuple, pose base de fruits sans fin et meurt. Joséphine, surprise de ce qu'elle venait de lire, s'arrêta, ferma le livre et interrogea Napoléon sur cette étrange prédiction. L'empereur, ne voulant pas donner une grande importance à Maître Olivarius en le commentant, se contenta de répondre « Les prophéties disent toujours ce qu'on veut leur faire dire. Cependant, j'avoue que celle-ci m'a beaucoup surpris. » Il changea de conversation et parla d'autre chose. À son retour de l'île d'Elbe, l'empereur se rappela cette prédiction. Il en reparla au colonel Abde. « Je n'ai jamais voulu rien croire, lui dit-il, mais je conviens ici de bonne foi qu'il y a des choses qui sont au-dessus de la portée des hommes, et que nonobstant leur rare perspicacité, ils ne pourront jamais les approfondir. Témoin, cette singulière prophétie trouvée chez les bénédictins, soustraite pendant la Révolution, et que je connais. Que désigne-t-elle? Est-ce moi qui en suis l'objet? En vérité, nous devrions nous en rapporter pour tout à celui qui régit l'univers, et faire notre profit des étincelles de lumière réparties parfois sur quelques êtres privilégiés, pour nous éclairer sur la route véritable qu'il faut suivre et nous prémunir des écueils que nous pourrions rencontrer. L'histoire de cette curieuse prophétie est très remarquable. Celui qui découvrit ce fameux livre est François de Metz, cousin de Neuchâteau et secrétaire général de la Commune de Paris. Tout le monde sait qu'à la fin de 1792 et au commencement de 1793, les maisons royales, les châteaux, les monastères, les abbayes et les églises furent pillés par ordre des montagnards. En agissant ainsi, on voulait, suivant eux, dérober et anéantir tous les papiers qui avaient rapport soit aux prêtres, soit aux nobles ou aux rois. Les livres des bibliothèques publiques, et particulièrement les actes sur parchemin, les manuscrits de toute espèce, étaient apportés à la Commune. Là, on procédait à leur accusation, à leur mise en liberté ou à leur condamnation. Les uns étaient gardés intacts, les autres brûlés sur l'heure. On avait, un jour du mois de juin 1793, pillé bon nombre de bibliothèques. La grande salle dans laquelle on déposait ces papiers était pleine. François de Metz et plusieurs employés procédaient au dépouillement de ces manuscrits. Il y avait ce jour-là peu d'ouvrages imprimés. Après avoir enregistré des livres de théologie, de physique, d'histoire, d'astronomie, etc., ils arrivèrent à un endroit où étaient étendus des in 12, des in 8 et des in 4, tous reliés en parchemin et portant un signe particulier. Quelques employés disaient que ces ouvrages provenaient de la bibliothèque des bénédictins. D'autres pensaient qu'ils faisaient partie de la riche collection bibliographique des Génovéfains. Quelle fut leur surprise, en ouvrant ces livres, de voir qu'ils contenaient des traités sur les sciences occultes, sur l'astrologie, l'alchimie, la nécromancie et les prophéties. Ils avaient presque catalogué tous ces ouvrages de peu de valeur, et qu'ils ne devaient point recevoir les honneurs du bûcher, quand un petit hindouze frappa leur attention. C'était le livre des prophéties, composé par Philippe Dieudonné Noël Olivarius, docteur en médecine, chirurgien et astrologue. Ce livre contenait plusieurs prophéties de peu d'importance, sans nom d'auteur, mais celle-ci était signée. À la dernière page, on voyait en gothique, finis, et plus bas, 1542, en chiffres du XVIe siècle. François de Metz la lut en entier, mais il n'en comprit pas le sens et la voit plus tard à sa fille, Madame de M. Cependant, elle lui sembla si extraordinaire qu'il la copia et la réunit à plusieurs autres prophéties copiées aussi par lui et que nous avons retrouvées dans ses papiers. La copie textuelle de la prophétie d'Olivarius, écrite de la main même de François de Metz, est datée de l'an 1793. Ainsi, il ne peut plus y avoir aucun doute à cet égard. On parla beaucoup de cette prophétie, qui fut copiée par un grand nombre de personnes, et conservée ainsi que plusieurs autres ouvrages sur le même sujet, dans la bibliothèque de l'hôtel de ville. Quand Bonaparte monta sur le trône, on lui parla de l'original de cette prophétie. Il voulut le voir, et depuis ce temps, on ignore ce qu'il est devenu. Elle a été imprimée en 1815. On l'inséra dans les mémoires de Joséphine, éditions de 1820 et de 1827, et enfin, Édouard Bricon, libraire, l'a publiée dans ses recueils de prophéties. Maintenant, si nous examinons cette prophétie avec quelque attention, nous trouvons qu'elle est bien extraordinaire. Tout ce qu'elle a prédit touchant le règne de Napoléon et le retour des Bourbons s'est parfaitement réalisé. Les troubles de 1827, les conspirations des libéraux et la révolution de 1830 même s'y trouvent. Mais elle va plus loin. Quel est ce jeune guerrier qui cheminera vers la grande ville et portera sur son armure un lion et un coq, emblème de la force et de la puissance? Que signifient ces paroles? La lance lui sera donnée par un grand prince d'Orient, et il sera secondé merveilleusement par un peuple guerrier qui se réunira aux Parisiens pour mettre un terme aux troubles et aux révolutions. Et ces malencontreux maillotins, qui doivent encore une fois rougir la scène de sang, quels sont-ils? Et cet homme, qui fera respecter partout la France, qui réglera la destinée du monde et posera les bases d'une société nouvelle? Ainsi s'achève Nostradamus et Napoléon par Eugène Bareste.